Audiomatique. I'm not afraid to die.

la transmission 3-2-4 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique du projet Moonpool and Dead Band, duquel nous écoutions la pièce New British Blues apparaissant sur le second album Humanizer paru en 2016. Audiomatique avec les sonoristes qui vous offre maintenant à entendre le duo suédois The Knife. Here, it's much worse in the north. Nous vous présentions en conclusion de ce segment musical à Audiomatique le duo britannique Orbital, formé des frères Phil et Paul Hartnell. De leur album The All Together, sorti en 2001, nous entendions la pièce Big Pipe Style, qui est en fait une version remaniée de la pièce Style qui apparaît sur leur album The Middle of Nowhere, lancé en 1999. Précédemment à Orbital, il s'agissait du duo suédois The Knife, composé de Karin Dreyer et de son frère Olof Dreyer, qui nous offrait la chanson Reindeer de leur premier album homonyme, paru en 2001. Audiomatique se poursuit sur la musique de deux projets québécois, d'abord Organ Mood et ensuite Galerie Stratique. Thank you. À Audiomatic, nous venons d'entendre le projet Galerie Stratique de l'artiste québécois Charles-Émile Bolac. La pièce intitulée Éclaircie peut se retrouver sur son album Horizon, paru en 2003. Avant Galerie Stratique, nous écoutions un autre projet québécois, à savoir Organ Mood et la pièce Corridor Appalachien, apparaissant sur le plus récent album Indivisible, paru en 2019. Nous en sommes maintenant rendus à Audiomatic à vous présenter la musique du groupe texan The Black Angels. 1, 2, 3, 4. Audiomatique, c'était le groupe anglais 808 State, originaire de la ville de Manchester, de son album Outpost Transmission, qui est sorti en 2002. Nous écoutions sa composition Bent. Tout juste avant 808 State, nous avions droit à Martin Gore, bien sûr leader du groupe Depeche Mode, qui a fait paraître son deuxième album solo en 2015, intitulé simplement MG. De cet album, nous avons choisi de diffuser la pièce Crowley. Mentionnons que Martin Gore fera paraître sous peu un mini-album qui s'intitule The Third Chimpanzee. Et c'est le groupe américain de Black Angels qui introduisait ce bloc musical avec sa chanson Bad Vibrations de son troisième album Phosphine Dream, lancé en 2010. Nous terminerons cette transmission d'Audiomatique sur une réinterprétation que nous offre le projet argentin Barda d'une pièce du chanteur britannique Nick Drake, décédé en 1974. La pièce originale se nomme Things Behind the Sun et apparaît sur l'album Pink Moon de Nick Drake, sorti en 1972. La version que nous allons entendre traduit le titre original de la pièce en espagnol pour Las cosas que hay detrás del sol, et celle-ci apparaît sur la compilation Isla Edits Volume 3, publiée par l'étiquette Fertile Discos. Cette compilation est disponible gratuitement sur le profil Bandcamp de Fertile Discos au Fertile Discos, fertildiscos.bandcamp.com. Le rendez-vous hebdomadaire auquel vous convie les sonoristes pour écouter en direct la prochaine transmission d'Audiomatique est toujours fixé au mercredi suivant dès 17h. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas suivre un horaire précis, vous pouvez toujours vous rabattre sur la numérisation de nos contenus en visitant nos plateformes, comme entre autres facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc pour terminer la réinterprétation que nous offre Barda de la pièce de Nick Drake, Things Behind the Sun, ou plutôt dans ce cas-ci, Las cosas que hay detrás del sol. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Say a prayer for people there who live. what you are beneath the stars.